J'ai fait un rêve étrange. J'étais sur la plage, la mer était calme. Tu étais seule ? Oui, il n'y avait personne. Soudain, je m'envolais comme un ballon. J'étais toute légère. C'était agréable ? C'était très agréable. Je voyais la mer, la terre, les montagnes. Mais après un moment, je me demandais comment j'allais revenir sur Terre. Et je me suis réveillée. Bienvenue sur notre petite planète.